Ce panneau est un signal de danger qui signifie « chaussée rétrécie des deux côtés ». Le panonceau qui l'accompagne complète mon information en m'indiquant que je ne vais plus trouver qu'une seule voie. Bien évidemment, cela me concerne tout autant que les usagers pouvant arriver en sens inverse. Reste à savoir qui passera le premier. Mais ceci est une autre histoire. Réponse A et C.